Les pastilles poétiques sur Fadjet avec Lucas. Et bonjour chers auditeurs de Radio Fadjet et bienvenue pour cette nouvelle pastille poétique. Nous rentrons peu à peu dans le froid et dans les journées courtes, mais rassurez-vous, car aucunement la poésie ne cesse d'exister, bien au contraire. Nombre d'auteurs se sont emparés de cette saison pour poétiser plus que de raison. Alors on se rassure, là où il y a de la poésie, il y a de l'espoir. Et en parlant de poésie, il me fallait aujourd'hui vous présenter une poétesse, par le biais de ses écrits, il est vrai, mais avant tout par l'intermédiaire d'une BD, d'une bande dessinée. Et oui, c'est étrange, mais comme je vous l'ai déjà dit, la poésie peut être partout. Alors profitons-en pour aller un peu rêver dans le cœur de ces bulles qui nous emmènent parfois si loin des réalités mornes. Retour de votre pastille poétique sur Fadjet. Et oui, mes chers amis, emparons-nous aujourd'hui d'un sujet qui m'a particulièrement saisi alors que je parcourais une étagère pleine de livres à la bibliothèque. Pleine de BD, si je devais être précis. Vous le savez, je suis à la lecture ce que l'infidèle est hélas à l'amour, et il est bien là le seul reproche d'infidélité qu'on pourra un jour me faire. Et il m'a fallu un petit temps avant de me plonger sereinement dans cette lecture. Occupé, l'esprit embrouillé par les scories de ma chronique sur Musset, qui agite dans l'âme des tourments qu'on voudrait voir vivre et qu'on doit finalement étouffer, j'ai là la volonté de vous embarquer pour parler un peu de résistance française et d'une figure féminine de cette résistance, Marie-Madeleine Riffaut, dit Reiner pour les plus soucieux des pseudonymes de résistants. Grande femme, poétesse de talent, sachant parfaitement conjuguer le souvenir à l'émotion et le rythme à la vérité. En 1945, Paul Éluard l'aidera à publier ses poèmes et pour la libération de Paris, dirigera un bataillon rempli de ces fascinantes créatures qui savent nous étonner parfois, nous surprendre toujours et hélas, il faut le dire, quelquefois nous écœurer. J'ai nommé les hommes. La BD dont je m'apprête à vous parler est nommée Madeleine Résistante et est le fruit d'une union créatrice entre les traits fins de Dominique Bertail et le scénario de J.D. Morvan et pour un soupçon essentiel de véridicité, bien évidemment, Madeleine Riffaut. Publiée en 2021, elle offre à l'âme traumatisée post-Covid une pause. Cela remue l'âme et c'est pudique. Les véritables émotions ne s'expriment pas toujours par la cruelle tendresse des mots. L'image, parfois, et le succès des traits vient accoucher de plus belle sensibilité. Cette BD vous propose de retracer des étapes de vie de Reiner. Mais alors, pourquoi Reiner ? Eh bien, Madeleine Riffaut nous explique, dans le récit intime et profond de sa vie, sa lecture de l'élégie de Duino de Rainer Maria Rilke, écrivain, autrichien mort d'une leucémie après avoir été piqué par une incisive rose, métaphore de la vie. Et sa vie à Madeleine Riffaut, eh bien, c'était son grand-père, que le destin lui aura confisqué pour, souhaitons-le, de meilleurs repos. Le fameux grand-père qui avait planté une roseraie. Certains pour la paix ont voulu planter un oranger, d'autres pour l'amour alimentent des rosiers. Alors, on l'appellera Reiner. Comment ne pas constater qu'il y a, au-delà des combats, cette poésie qu'on tente de sauvegarder, qu'au-delà du bruit sourd, il y a les rimes qui viennent conserver les espoirs mis à rude épreuve. La fleur comme symbole du non-combat combatif. Oui, j'ose les phrases bizarres. Mais diablement représentatives. On la sent déjà mugir, l'intrigante et indomptable poésie. Ce premier tome, car oui, il y en aura plusieurs, est nommé « La rose dégoupillée ». Un titre métaphorique que mes grosses pattes d'oie gavées au son de l'analyse littéraire qui fait d'une virgule une affaire d'État, se charge pour vous, entre autres confident de la lettre, de doucement dévêtir. La brutalité silencieuse et la violence de la collaboration, l'invasion allemande va faire se dégoupiller la bombe, déjà par un obus, retrouvé dans une forêt qui se chargera d'exploser, emportant avec lui quelques bambins que l'innocence n'aura hélas pas préservés. L'horreur de l'humiliation par le viol et les traces psychologiques, et la gifle de l'officier allemand quand Reiner tente courageusement de demander un brancard pour son grand-père, souffrant de la hanche. Les planches, bulles ponctuant des horizons d'un bleu impressionnant, offrent à son spectateur des virgules adorables. Les poèmes de Marie-Madeleine Riffaut viennent caresser ou surprendre nos cœurs meurtris par la vérité d'une époque qui n'aura laissé presque que des cicatrices. Parfois, passer le bonheur, comme ce récit du premier amour, non loin du sanatorium grenoblois. Mais la guerre est un déchirement. Déchirement des corps, des gueules, des esprits et surtout des cœurs. Bertail dessine et nous sommes séduits. Pour les plus curieux, Madeleine Riffaut a publié bien des écrits dont il faut pouvoir avoir lu au moins quelques lignes. Parmi eux, Le courage d'aimer, en 1949, et c'est... ou alors une anthologie poétique parue en 1973 nommée « Cheval rouge ». Reste seulement l'insondable constat des années de guerre. Reiner viendra les réciter pour rappeler la nécessité justement de ne pas oublier. Seuls de loquaces silences peuvent encore alors crier la difficulté de vivre. Oui, vivre cette étrange affaire où il faut, pour exister, trouver le juste choix entre la réalité et le fait de se raconter des histoires. Ici, on choisit de raconter l'histoire, la vraie. Non pas celle du livre, mais du vécu. Se voulant rassurant, on contemple parfois des miroirs en y voyant un autre, et sans doute Marie-Madeleine Riffaud, vous ou moi, tutoyons cet étranger que l'on peine parfois à reconnaître, et l'on lui murmure « ça ira mieux demain, nous serons amis ». Somme toute, nous aurons fait la paix avec le degré des horreurs qui nous auront traumatisés. Certains auront subi les camps, d'autres la perfidie des actes silencieux crachés au visage de la dignité. On ne saurait savamment étendre la liste des terres infertiles où, comme je le dis si souvent, il faut savoir y faire aussi pousser des fleurs. Retour de votre pastille peau éthique sur Fadjet. Et oui, chers auditeurs, nous parlions des poèmes de Madeleine Riffaud. Il est donc grand temps, après avoir parlé bande dessinée, de faire virevolter notre curiosité vers les écrits de la poétesse. On l'a dit, elle a connu l'horreur des guerres et a sauvegardé le courage de celles et ceux qui savent se battre. De fait, comment ne pas parler d'un de ses premiers poèmes offerts à Éluard et qui aborde la sacro-sainte quête que tous nous avons, la liberté. Trouvez, chers auditeurs, ci après quelques vers extraits d'un de ses poèmes phares. La liberté, c'est ce cours d'eau qui vient passer sur ta maison. Demain, ceux qui vivront trouveront naturel d'être au large, au soleil, sur la mer Liberté. Homme libre, toujours tu chériras la mer, disait Baudelaire. Et comme il disait vrai, en métaphorisant la liberté comme un cours d'eau, Riffaud nous rappelle finalement que l'écoulement n'est pas forcément le plus vif et qu'elle ne se fait pas souvent remarquer, cette fameuse liberté. Raison impérieuse qui justifie in fine qu'on puisse s'en soucier tous les jours de notre vie, car c'est une fois écoulée qu'on la pleure, cette fameuse liberté. Mais elle poétise aussi les femmes. Ici, un autre extrait d'un autre poème tiré du courage d'aimer. Les femmes de fer se donnent la main, s'aidant l'une à l'autre à marcher plus loin. Beau quatrain pour qui se soucie de la nécessaire présence des femmes et comment elles doivent finalement se soutenir, mais aussi être soutenues. Nous avions parlé du poème adressé à Éluard. Extrayons un court avis du poète à la terre bleue comme une orange pour mieux comprendre leur relation à eux deux. En ces années de souffrance atroce et de lutte sans merci, Madeleine Riffaud s'est sentie forte de son extrême jeunesse, car c'est elle, ardente et pure, nous disait Éluard, qui l'a liée aux combattants de la résistance. Petite fille solidaire des hommes et des femmes qui s'affranchirent du mal, Madeleine Riffaud a combattu avec courage. Son courage se reflète dans ses poèmes, il les anime et son génie fait que c'est le courage de tous que nous entendons, la grandeur de tout un peuple qui chante ici, sa sensibilité et son intelligence, sa croyance au bien, au mieux, cette poésie s'accorde comme aucune autre en France, aux voix des millions d'hommes qui ne cessent de rêver et qu'ils pourront un jour chanter leur fraternité. Et oui, mes chers auditeurs, comment aurions-nous pu mieux conclure cette petite chronique avec les paroles de Paul Éluard, additionnées au titre de l'un des recueils de Riffaud, Le courage d'aimer, qu'il est nécessaire et plus que jamais attendu, le nécessaire justement courage de s'aimer. Faisons fi de ces raconteurs d'histoires drôles à pleurer qui inondent comme un mauvais feuilleton les pages d'actualité et n'oublions pas où réside notre force, dans la tolérance et la parfaite fraternité, dans la puissance du nous. Merci Madeleine Riffaud et j'ose vous dire, petit chroniqueur que je suis, pour vos combats et vos prouesses, d'enfin reposer en paix. Mes chers auditeurs, je vous salue, je vous dis donc au mois prochain, prenez soin de vous et faites attention.